surtout les yeux pop la rue. Avec ma crête sur la tête, mon blouson noir en peau de bête, mon slip en chose, mon pantalon. J'espère des rencontres comme ça. Et tomber sur un parc de boules, j'ai dit j'aurais pas de quoi ébouler. Et puis un jour ils m'ont rappelé comme ça, je vais pas me regarder. Pour me terminer le show, j'avais un chat, j'ai pas d'accord. Et pour éviter les moustiques, je vais porter des gants en plastique. Ici, des mecs bien protégés par de remures de barbelés pour pas que je rentre comme dans un rail. Derrière, tu restes pour protéger. Tu fous le fer à ton aura, le violon à l'air, ça va. C'est un travail, je vais manger juste un peu à reculer. Je vais vous mettre à jeter, si vous vous faites un café. Et alors pourquoi pas se barrer, c'est la nature qui me sert.